Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jonathan O'Donnell. Salut Sofiane. Salut Jonathan, comment tu vas? Ben, ça va et toi, nickel. Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Eh bien, le plaisir est partagé, c'est vraiment cool d'avoir pu organiser ça aujourd'hui. Malgré quelques petites difficultés avec Skype au départ, je suis vraiment désolé. Ouais, c'est rien du tout, ça arrive hein. Ça bug un peu de temps en temps, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ah, peut-être, hein, ça dépend. Dis-moi de quoi tu as envie. Franchement, je prends tout, tu vois, dans le podcast, tout ce qui t'a marqué, en fait, dans ta carrière. Le grand classique du podcast, ce sont les bides et tout, mais vraiment, ça peut aller de... Ça peut être tout et rien, quoi. Alors, attends, mon pire bide. En fait, je vais te dire, mon pire bide, c'est même pas un bide, finalement. Ouais. Parce que regarde, un jour, il y a mon pote, il y a Boudère qui me dit, j'ai un copain, il fait un événement pour ses filles, tu vois, c'est des petites, mais il fait une grande fête et tout, et il voudrait que tu viennes jouer un petit peu à l'événement, tu vois. C'est dans une grande salle en banlieue parisienne, et il me demande à moi et à Lenny Mbunga. Oui. Donc on y va tous les deux avec Lenny. On arrive là-bas, donc c'est vraiment une belle salle, tout le monde est super bien habillé, tu sais, ça ressemble un peu à un mariage, mais voilà, c'est un truc pour les petites filles, ouais. C'est deux jumelles et tout, donc c'est vraiment un événement familial, ami, et genre il y a, je sais pas moi, 150 personnes, tu vois. Ah oui, énorme. Ouais, ouais, et en fait, nous on arrive et les gens ils sont en train de danser, et après ils viennent nous voir, ils disent bah voilà, là, ils dansent et tout, et dès qu'on a fini, les gens vont se poser à leur table et ce sera à vous. Ouais. Un petit, mais on sent quand même que c'est pas fait pour ça, ça se voit, ça se sent que les gens ils sont venus à leur truc en famille, ils sont venus au mariage, mais ils sont pas venus voir des humoristes, mais bon. Ouais, ils sont venus manger du gâteau, quoi. Ouais, nous on est, ça fait quelques mois, ça faisait quoi, peut-être 3 ans, 2-3 ans que je montais sur scène, bon, il y avait un billet à prendre, tu connais, on y va. Hein. Ah, normal. Donc petit tirage au sort avec Lenny, c'est moi qui commence. Tu as fait un tirage au sort. Ouais, il n'y a pas de scène, c'est une piste de danse. Moi, je vais sur la piste de danse, en fait. Les gens sont à leur table. Ouais. Et donc, il m'annonce, tu vois, il me dit, ah, c'est bon, vas-y et tout. Et en fait, une fois que je suis sur la piste de danse, je me rends compte que, bah, tu sais, c'est dans les mariages, tout ça, bah, c'est des tables rondes. Ouais. Donc, il y a la moitié des gens qui sont de dos, en fait. Et oui. Et au moment où moi, je commence à jouer, les serveurs amènent l'entrée du repas. Ah bah oui. Donc ils reçoivent leur entrée, ils sont là, eux, à la base ils étaient en train de danser, ils viennent de s'asseoir, ils découvrent un peu qui est à leur table, donc en fait, moi je joue, mais je prends pas de bide, c'est juste que les gens ne m'écoutent pas. Mais vraiment, c'est comme si j'étais pas là, parce que eux, ils sont à leur dîner, ils sont là à discuter avec les gens de leur table, donc ouais. je suis même pas genre, ma vanne elle passe pas, j'ai pris un bide, je suis là, je dis, ah les bâtards, ils en ont absolument rien à foutre. Ouais. Un par-ci par-là qui regarde, qui écoute, t'en as peut-être un qui rigole, mais t'en as une centaine devant qui s'en foutent et qui mangent. Oh, c'était même pas un bide en fait, c'était des tests son quoi. Mais ouais, ma meilleure vanne, parce qu'au final j'ai eu un rire, bah, c'est à la fin j'ai dit voilà, je m'arrête là, merci de pas m'avoir écouté, et là ils ont tous rigolé. Je suis pas, vous auriez pu quand même faire l'effort tout le truc, tu vois. Tu leur dis donc en fait, vos zygomatiques fonctionnaient, mais vous avez utilisé qu'à la fin quand je me barre. Voilà, une fois qu'ils avaient, je sais pas, tu vois, un peu mangé, ils étaient en train de mâcher, j'en sais rien, et puis d'un coup, ils se sont dit, mais c'est vrai qu'il y a un mec qui parle depuis tout à l'heure, là. On savait pas ce que c'était. Bah, forcément, mais... parce que c'est vrai que du stand-up dans une espèce de baptême, communion, tout ça, mais ils disaient en fait. Mais c'était gentil de nous inviter. Et encore, moi, j'ai fini. Mais... C'est-à-dire qu'après, il y a Lenny qui vient de voir que pendant 5 minutes, j'avais pris un énorme bide et il dit maintenant, c'est à mon tour d'y aller. Quoi. Et ça, vraiment, c'était. Et alors, on en rigole parce que c'était une bonne ambiance parce que bah, le mec, il vient, lui, il nous avait tellement kiffé. Alors, il s'est dit ça va faire un bon délire à la soirée. Et sa femme qui était énervée parce qu'elle, elle ne nous connaissait pas. Elle nous avait vu sur scène. Elle disait à son mari, il était relou là. Allez, c'est bon, faut qu'ils arrêtent. Elle voit bien que c'est un four complet, le truc. Et lui, il est dans son délire. Il dit, non, c'est bon, t'inquiète, c'est génial et tout. Et je pense que c'est mon plus grand moment de solitude sur scène. Oui, voilà, c'est plus ça. Mais la bonne nouvelle, après, c'est qu'on savait que le micro fonctionnait bien. Ah ouais, ça, c'est sûr que pour les chanteurs, après, c'était nickel. Hein. C'est ça. Tu as fait une espèce de répétition, test son. Tu sais, mais au lieu de faire 1-2, 1-2, tu as fait ton set. Quoi. Ouais, voilà, pendant 5-7 minutes. Et encore, évidemment, je pense qu'au début, c'était peut-être 10 minutes chacun. Puis on a fini à 6-7 chacun. Parce qu'évidemment, tu ne veux pas faire durer ce genre de moment. Quoi. D'accord. Et Lenny, du coup, ça va il... Enfin, je veux dire, il a été en pilote automatique, peut-être. Ouais, on a, de toute façon, on a fort tous les deux. Hein. On a enchaîné du texte. Il a essayé un peu de parler plus fort, de leur gueuler dessus, parce que bah, ça faisait 5 minutes qu'ils n'avaient pas écouté le premier. Il s'est dit, allez, vas-y, c'est bon. Maintenant, il faut qu'ils écoutent. Donc, forcément, c'était. Et à la fois, il a dû paniquer pendant mon passage, mais après, c'était, on va dire, un peu mieux à 10%, tu vois, parce que tu avais gagné ceux qui avaient fini de manger leur entrée. Et qui se disait, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant ? Vas-y, on va l'écouter. Hein. Ah, d'accord, ok. Mais c'est très compliqué. Hein. Et puis, tu sais, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec plusieurs humoristes et que tu vois les uns derrière les autres qui se vautrent, et tu sais que toi, tu vas te vautrer, moi, je compare ça, tu sais, genre aux animaux à l'abattoir, tu sais. Ah, bah ouais, tu sais que ça va tomber sur toi. Hein. Ben, tu regardes, tu dis, tiens, c'est marrant, mais on. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe derrière, là, mais le copain, il revient jamais, tu vois. Donc, ça va être mon tour, tu sais. Et là, le problème, c'est que eux, bon, les animaux à l'abattoir voient pas ce qui se passe, on va dire, avant. Mais toi, tu le vois et tu sais. Tu vois le mec avec son couteau qui t'attend, tu sais. Ah, tu sais que tu vas prendre cher, tu vois. C'est clair pour ça. Ah, et donc après le mari donc il était quand même content et voilà, il nous a payé, puis nous on est vite reparti pour oublier cette soirée quoi. Mm-hmm. Je lui ai reparlé il y a pas longtemps parce que j'ai découvert qu'il me suivait sur Twitter, puis un jour il m'a envoyé un message en me disant tu te rappelles, t'étais venu jouer pour mes filles et tout. J'ai dit oh bâtard, quel bourbier tu nous avais mis. Et lui il avait kiffé en fait. En fait lui il s'était fait son kiff à lui tout seul pour l'événement. Ouais. Oh d'accord. Bon voilà. Après ça va, ça part pas d'une mauvaise intention. Non, tu vois. Ça part pas d'une mauvaise intention. Donc c'est pour ça que c'est mon plus grand moment de solitude, mais j'aime bien le raconter parce que que ça reste un souvenir marrant, tu vois. Mais oui, parce qu'en fait, c'est voilà, comme tu dis, c'est pas un bide, parce qu'un bide, c'est quand t'as toute l'attention, tout le monde t'écoute et t'arrives pas à faire rire. Ça, c'est un bide, tu vois. Mais là, quand les gens ne t'écoutent pas, ça ne compte pas. Voilà. Et malheureusement, dans ce genre de soirée, tu vois, comme tu le disais, tu y es allé parce que du coup, il y avait de l'argent. Moi, le premier, je l'ai déjà fait et je le ferai encore, tu vois. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, le cachet, il te sert surtout à t'acheter des antidépresseurs ou quoi, tu vois. Ah, bah, il te sert à oublier. Tu rentres chez toi, tu dis, ouais, je m'en fous, j'ai payé 200 balles, je m'en fous. Bah, tu t'en fous pas, en vrai, ça fait toujours un coup à l'ego. Mais bon, ça t'aide à oublier largement, tu vois. Surtout au début, c'est des... Surtout quand tu commences, c'est des sommes hyper importantes, tu vois. Donc, t'es content quand même. Hein. C'est vrai. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme les chichas, tu sais. Tu sais que tu vas te planter, mais tu sais que tu vas prendre un bon bif derrière. Ouais. Moi, j'en ai fait que deux dans ma vie. Ah ouais, j'en d'accord. J'en ai fait une dans mes tout débuts. C'était Ahmed Sparrow qui m'avait emmené. Bon, et c'était pas mon délire, vraiment. Donc, je m'étais dit, j'en refais plus. Voilà, j'en refais plus, tu vois. Si j'ai pas besoin d'en faire, on va dire, financièrement, je le fais pas, tu vois. Un jour, cette anecdote, c'est que je joue mon spectacle au Paname et après, je crois que j'enchaîne avec un plateau au Paname. Donc, j'ai le chapeau dans mes poches, tu vois. Ouais. Et j'ai pris des sous ce soir-là, j'ai peut-être 200 balles avec moi. Je vais faire la première partie de Tom Villa qui est au théâtre juste à côté, à l'Apollo. Et ma copine, elle me rejoint là-bas et après, on va se faire un resto, tu vois. Et au moment de payer le resto, plus d'oseille. Je te jure, mon oseille a disparu. Et je ne sais pas où, quand, comment, parce que entre le théâtre, après le Paname, je l'ai. J'arrive au théâtre pour la première partie, je l'ai. Je pars du théâtre, je l'ai. Et je ne sais pas, entre le départ du théâtre et le resto qui est juste à côté. Ouais, t'as dû avoir un pickpocket. Voilà, soit dans la rue, soit dans le resto, je laisse ma poche ouverte et tout ça. Et en fait, j'avais tellement la rage et je me suis dit comment je retrouve cet argent d'une manière que je n'aurais pas fait habituellement. Et ben, je vais faire une chicha qu'on me propose toutes les semaines et je refuse à chaque fois. Tu vois. Ah, c'est tellement bien comme histoire. Tu sais quoi, j'ai le même raisonnement que toi. J'ai le même raisonnement que toi. C'est bien, mais la soirée, elle n'était pas bien. Non, la soirée n'était pas bien, je suis d'accord. Mais je veux dire, j'ai le même raisonnement que toi. C'est genre, allez, j'ai perdu là, il faut que je récupère pour revenir à flot, tu vois. Ah, bah oui, il fallait que je suis comme toi. D'accord. Et donc, t'es parti, t'as souffert pendant 10 minutes et... Ah bah t'es quoi ? Pas 10 minutes. Parce que je pense qu'au bout de 3-4, j'ai dit, bon allez, je me barre. Je devais faire 10 minutes, je crois. Et en fait, je parle, mais je fais peut-être... Enfin, sûrement, je fais pas un sketch qui est forcément adapté. C'est vrai que ils aiment bien quand même la vanne du public, les trucs comme ça. Et moi, j'avais envie de faire mon sketch. Et je voyais que les gens m'écoutaient pas. Donc, des fois, pendant mon sketch, je commençais à sortir de la merde pour voir s'il m'écoutait, tu vois, si d'un coup il relevait la tête en disant, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mm-hmm. Et puis tout d'un coup, ouais, je me rappelle, il y a un mec qui dit, ouais, allez, vas-y, sors. Et je me suis dit, bah, là, c'est le moment de vanner, tu vois. Je me suis dit, bah, ouais, on va voir, et là, on va vanner. Et en fait, c'était le mec était au fond de la salle. Et moi, ouais, j'ai dit au régisseur, je dis, bah, vas-y, allume la lumière, tu vois, c'est le moment de vanner avec ce mec-là et tout, tu vois, parce que c'est pas du tout un truc qui me fait peur, et c'est un truc où j'ai vraiment l'habitude. Et le mec, il m'a pas allumé la lumière. Ça veut dire qu'il me laissait comme un con à pas savoir qui me parlait. Ouais. Et donc, moi, j'aurais dit, mais moi, je m'en vais tout de suite et je prends mon oseille et ça change rien pour moi, tu vois. Et du coup, je suis parti. Donc, je suis parti, franchement, à 3-4 minutes. D'accord. Et j'ai pris mon billet de la même manière. Eh bien, moi, je dis, t'es parti comme un prince, nickel. Franchement. Et puis, mais alors, et c'est drôle parce qu'au moment où tu dis, bah, vas-y, c'est bon, je me barre, t'as plein de gens qui disent, non, non, c'est bon, reste. Mais oui, bien sûr. Tu m'écoutes pas. Et maintenant, voilà, tu me dis, reste. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est des gens. Bon, c'est les filles, les filles sont plus gentilles, ouais, en général. Donc les filles disent, non, reste et tout. Ouais. Et non, c'est bon maintenant. Bah, ouais, elles sont plus empathiques, quoi. Ouais, ouais, exactement. Donc je suis parti au bout de 3-4 minutes, je suis allé réclamer ma paye du soir et ma mission était accomplie, quoi. Et, ah oui, je me rappelle, parce que tu sais, tu vois, bon, il y a différents tarifs, il y en a qui prennent un peu plus cher que d'autres et tout ça. Et ouais, moi, j'avais dit non, parce qu'il m'avait dit, bon, il y a ça. Mais j'ai dit, non, non, moi, tu me donnes le minimum. Et si je fais un carton, tu me donneras plus. Non, j'ai pas eu plus. Hein. Ouais, bah, t'as été quand même ambitieux, là, j'avoue. Ouais, j'ai rien demandé, tu vois. Mais parce que j'avais pas envie de dire, ouais, bah, moi, je veux plus cher, parce que si, parce que ça. Ah, parce oui, que, oui. Et regarde, au final, ouais, on restait 3 minutes, j'ai fait le mec qui a demandé plus cher. J'avoue, t'as bien fait, parce que du coup, on pouvait pas te reprocher, t'as demandé le minimum. Voilà. Donc voilà, c'était réglé, quoi. Ah, exactement. D'accord. Mais bah, écoute, depuis, c'est bien. C'est une chicha rattrapage, quoi. Ah ouais, ouais, mais c'était vraiment à ce moment-là. Mais après, moi, j'ai pas de critique sur les chichas parce que, franchement, heureusement qu'elles sont là pour plein de gens qui ont déjà envie de jouer. Parce que c'est vrai que des fois, ils donnent plus leur chance à certains que des fois des petites scènes qui vont être plus sélectes. Mmh. Et moi, j'ai des amis qui ont gagné leur vie grâce à ça, qui à un moment donné en faisaient plusieurs par mois et ça leur faisait un salaire, tu vois. Et pour ça, c'est hyper cool, franchement. Et puis, ça t'aide, ça t'aide quand tu es sur scène et qu'on va dire que tu passes l'épreuve du feu. Bon, tu prends confiance pour d'autres trucs, tu vois. Mmh. Ouais, donc, je comprends. Moi, c'est pas vraiment adapté, on va dire, pour moi, mais je trouve ça vachement cool qu'il y ait ce genre de lieu qui propose des scènes, quoi. Oui, non, totalement, parce que financièrement, c'est intéressant. Et puis, si jamais tu survis dans une chicha, si jamais tu as un set qui passe bien dans une chicha et dans un théâtre, il faut que ce soit les deux, hein, parce qu'il y a des sets qui passent en chicha et inversement, tu vois. Mais si tu as un set qui passe dans les deux, c'est un morceau en or, c'est imbattable, quoi. Bah normalement, c'est quelque chose de très efficace, quoi. Mmh. Non, c'est sûr. C'est, si jamais tu arrives à cartonner autant sur une scène classique que dans une chicha, franchement, c'est un truc qui peut t'amener à Montreux. Bah, c'est que tu touches tout le monde. Et voilà, c'est que tu touches absolument tout le monde. Parce que d'habitude, c'est très compliqué de toucher les deux en même temps. Moi, je sais que j'ai commencé dans les chichas. C'était assez compliqué et tout. Après, j'ai joué plus dans des scènes conventionnelles. Et chicha, j'ai dû en faire une dizaine dans ma vie. Et c'est dur, mais c'est un exercice. J'ai envie d'y retourner un jour, tu vois. Je sais que c'est dur, mais j'ai envie justement, ne serait-ce que d'avoir un set, tu vois, taillé pour les chichas. Genre, je garde mon set classique et tout pour les théâtres. Et pour les chichas, j'ai vraiment envie de développer quelque chose qui marche, histoire de relever le challenge, tu vois. Oui, oui, oui. Je sais tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup et bravo à toi parce que tu as bien géré le truc et tout. Ça t'a permis de rattraper. Moi, je te dis, j'ai le même état d'esprit que toi. Je suis pareil, tu vois, si jamais je perds de la thune bêtement ou si par exemple j'ai fait un mauvais investissement ou un truc comme ça, tu vois, ou si jamais on m'a piqué ma thune ou quoi. Ouais, non, clairement, je me dis, faut que je rattrape le coup, quoi. Donc, je comprends. Il faut trouver ça, la technique que tu n'aurais pas utilisée précédemment parce que sinon, tu te dis non. Si c'est un truc habituel, tu te dis, bah merde, je l'aurais quand même eu cette oseille. Là, voilà, j'avais trouvé le truc qui fait que si j'avais pas c'était perdu l'argent, bonus, je l'aurais jamais eu. Donc, c'était bien compensé. C'était juste du bonus. C'est très bien. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, en tout cas. Et, plaisir. Voilà, écoute, plaisir partagé. Vraiment, c'était cool d'écouter tes anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur mon Instagram, Jonathan O'Donnell, tout attaché. Tu vois, Jonathan.O'Donnell même. Ouais. Puis sinon, moi, je suis à la radio tous les matins sur RTL2 entre 6h et 9h30. Et on est en simultané sur W9 entre 7h et 9h. Ah, génial. Donc, je peux être chez toi tous les matins quand tu veux, quoi. Ok, écoute, avec grand plaisir. La télé ou la radio, je suis là. Super. Et tu as donc une page Facebook Ouais, Facebook, Twitter, Instagram. De toute façon, c'est tout Jonathan O'Donnell. Ok. Chaîne YouTube aussi? YouTube, tu peux. J'y mets pas grand-chose, mais il y a plein de vidéos de sketch, d'impro, de chronique radio. C'est Jonathan O'Donnell, pareil. Ok, bah écoute, je mettrai tout ça, il n'y a pas de souci, je mettrai tous les liens. Merci Poto, Parfait. c'est gentil. Et ben merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.